L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Histoire du libéralisme autoritaire. En France, les bourgeois étaient jaloux des nobles, heureux de voir la joie du développement, pour lesquels les bourgeois étaient le meneur, nobles devenant alors imposteurs. Les bourgeois se faisaient en plus la guerre entre eux. En effet, les manufactures les plus prestigieuses avaient le droit de s'enrichir par l'exportation. Comme les nobles, les bourgeois devenaient propriétaires, mais devaient prendre le risque de se faire tuer pour le roi afin de devenir nobles, puisque les nobles partent en guerre. Louis XIV n'hésitait pas à faire cela contre Fouquet notamment, ceci pour mieux connaître les Anglais. Comme Louis XIV avait connu une série conséquente d'échecs, il était particulièrement aguerri et formé moralement pour trouver les solutions. La cour ne servait pas à Louis XIV qu'à dominer, mais servait surtout à diffuser ce respect de la morale permettant les solutions. Seulement Louis XIV partait en guerre, et Colbert empêchait aux manufactures ne créant pas des produits de qualité d'exporter. Ce manque de confiance envers nos médiocres remonte à la fronde empêchée par Louis XIII. Les bourgeois voyaient que les guerriers étaient des plus fidèles dirigeants. Ces dirigeants devaient être à la fois suffisamment idiots pour ne pas s'approprier la partie anglaise de l'entreprise et devaient faire suffisamment peur pour être respectés et fuis par les nobles. Ainsi, Descartes, le guerrier penseur, a été mandaté par les bourgeois pour cacher cette compréhension nationale qui empêchait aux Trusts de rester franco-anglais afin de pouvoir exporter. Descartes inventa la métaphysique que redoutent toujours ceux qui n'en voient pas l'objectif, ceux qui ne seront pas suffisamment moraux ou éduqués pour comprendre le sens de cette physique de nos émotions servant à dominer la physique, afin de dominer les salariés et ceux qui les mènent. La métaphysique de Descartes est une pensée qui permet de coder la physique. La cohésion du trust consistait effectivement à déléguer à un salarié suffisamment compétent pour diriger naïf aussi, plus faible pour ne pas devenir chef. Il y avait pour cela les divertissements du plaisir, menés certainement par des femmes manipulatrices devant affaiblir et diriger le directeur délégué par le conseil. Le management des directeurs naquit secrètement. Il existe toute une science fondamentale et secrète de la manipulation en France, utilisée en plus de façon morale à l'époque. Il est facile pour les salariés de s'approprier une entreprise fonctionnant mal. Donc seules les manipulations les plus scientifiques ont perduré, nécessitant alors soutien entre les concurrents. Trois des livres de Descartes ont un titre dissociatif, donc inhumain. Si vous aimez ces livres, c'est qu'ils vous permettent de manipuler. Le discours de la méthode est le manuel qui vous permet de ne pas trouver. Ce manuel servait à créer des sophistes de l'époque, sophistes servant à corrompre la noblesse. Les livres de Descartes étaient appréciés parce qu'ils permettaient d'entuber ou l'inverse. C'était ça le dualisme des duels de l'absurde. C'était donc en France qu'on avait créé les mots et les liens, permettant de mieux comprendre les émotions, de comprendre facilement ces émotions. Une science de l'émotion naissait. C'est pour cela que le français est une langue qui permet de se comprendre facilement, donc de trouver une harmonie dans tout ce que l'on dit, créant la courtoisie parisienne alors. Mais c'était la foule qui comprenait, donc on ne pouvait plus la gérer. En France, on permet à certains moments, ou pour des chanceux, par Lazare Carnot et Gaspard Monge, le savoir permettant l'épanouissement pour comprendre, afin de développer le pays, en comprenant les mouvements par le défi. D'autres individualisent pour le pouvoir. Il s'agit donc pour certains de créer un ordre permettant de ne pas comprendre. Seulement tout ordre est facilement compréhensible. Donc on éliminait sans doute les plus grands esprits. Ainsi la milice devinait cela et ne fut pas éliminée parce qu'en Allemagne. On demandait alors d'avoir un discours pour comprendre, puisque dans les émotions il y a le plaisir. Or comprendre le plaisir permet de le dominer en le caractérisant par des spectacles, spectacles menant à d'autres plaisirs de plus en plus compris. On demandait d'arrêter cette orgie quand on ne la comprenait pas ou quand on n'en voulait pas. Comme comprendre permettait de dominer l'autre, comme nous n'évoluons pas quand nous nous comprenons par les autres, il fallait expliquer une méthode permettant de supprimer le lien. Le dualisme dissociatif de Descartes était né. Descartes a servi à cacher les découvertes en les expliquant de manière incompréhensible. Par contre, Blaise Pascal a tout de suite eu l'intuition de ce chaos qu'on lui enseignait. Les meilleurs élèves sont ceux qui peuvent être nuls et bons à la fois. Il était cartésien par ses études. Son intuition le mena très facilement à conseiller une éthique, puisque tout ce qu'il voyait du monde cartésien n'avait pour lui aucun objectif naturel. Donc il distinguait facilement ce qui était naturel et révélait l'humain. Pascal contredisait facilement Descartes par l'amour. À partir du moment où on aime, on se défait du cartésianisme. Comme il était en France, il était tout à fait normal qu'il fût éliminé. À chaque risque pris pour comprendre, un code vous fera croire qu'il s'agit d'avoir peur. Ça tombe bien, on prend un risque. Nous en serions toujours à contempler le feu sinon. Il y avait plus de chaos à l'époque. Il est inutile de croire que nous comprenons nos émotions. Mais les génies sont ceux qui repoussent les limites. Un simple instrument de musique ne suffit pas pour s'épanouir. Il s'agit aussi d'avoir l'ordre et la volonté, volonté renforcée par le chaos comme l'est notre Dieu. Nos faiblesses devant nos forces sont celles de Dieu, puisque connaître le chaos permet de vouloir l'ordre. Mes notes. Écrire sur ce que vous pensez de la société du libéralisme. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.